Il y avait à la maison de retraite de Reims, il y avait un jeune homme de 22 ans qui était convoqué pour une audience pour une série d'exhibitions sexuelles à 6 reprises courant décembre. Mmh. C'est pas drôle, hein. Où il allait dans une maison de retraite et il était encagoulé pour pas être reconnu. Et il arrivait. Il exhibait son sexe et il repartait. Bon, vous allez me dire, il faisait pas de mal. Et il y en a une de la maison de retraite, et ça, c'est ce qui me fait le plus rire, qui a déclaré : ça faisait de l'animation pour les retraités, mais quand même. Alors imaginons, voilà, tiens, un vieux, une vieille, nouvel épisode. Un vieux, une vieille sur Europe 2, présenté par Stéradan, les chaussures Scholl et Thermolactyle d'Amar. Alors, t'as vu un peu ? Bah ouais. Ils l'ont coincé, le petit jeune qui venait là nous voir tout le temps. Franchement, tu veux que je te dise ? Ouais, bah moi je dis ça. Dégueulasse, t'as raison, c'est non, dégueulasse. Je trouve ça dommage. Qu'est-ce qui est dommage ? Bah, c'est mignon, c'est marrant, je trouve. Non, mais un petit jeune de 22 ans qui exhibe sa quéquette comme ça et tu trouves ça bien ? Bah, au moins à 22 ans, elle est plus belle que la tienne, hein. Ah, c'est frais, c'est jeune, c'est. Non, mais attends, j'étais là la dernière fois, j'étais là, je trempais mon choco BN que je faisais ma mouillette dans mon chocolat chaud. Ouais. Et l'autre, il arrive, il fait tac tac, tu l'as vu celle-là, il a failli mettre ses couilles dans le café. Et est-ce que. Et tu crois que c'est propre ? Ah, ça donne envie, ça ! Ah, moi, ça me fait rire, ça me donne plus envie que la tienne en attendant. Hein. Mais attends, mais la mienne, mais moi aussi, je peux l'avoir toute dure et la montrer. Bah, ça, je m'en fous, mais je la connais, la tienne. Ah, oui ! Ah, bah, toi, tu la connais, mais peut-être pas les autres. Alors ! Qu'est-ce que tu fais, loulou ? Ah, bah, tiens, alors là, tiens, hein. Madame Tronquoi, vous l'avez vu celle-là, Madame Tronquoi? Tiens, tu l'as vu. Et toi, Madame Jean-Jacques, mais l'as vu. 95 ans qu'elle a, Madame Jean-Jacques. Tu l'as vu, la bibite à Maurice, hein? Tu l'as vu. Tiens, vas-y, donne-moi ton dentier, ça m'excite. Voilà, comme ça. Oh, je la trempe dans le verre. Et toi, Madame Jacquard, tu l'as vu, celle-là, hein? Ah oui, c'est vrai, vous l'aviez déjà vu. Ah merde, c'est con, c'est ma femme. Alors, et toi, viens là. Tu l'as vu. Alors, c'est pas mieux que celle du jeune? Loulou, t'es ridicule. Bon, tu me fais chier, je vais à la pêche. Un vieux, une vieille sur Europe 2, présenté par Stéradan, les chaussures Scholl et Thermolactyle d'Amar. Et toi le poisson, tu la vois ma guiguette là, tu la vois.